Eh bien, écoute, je te remercie. C'est très, très, très agréable d'avoir affaire à une lecture aussi, aussi clairvoyante de ce texte. Il n'y a pas grand-chose que je puisse dire. Je n'ai aucun désaccord. Bien au contraire. Et je crois que il y a trois éléments finalement que je retiens. On va peut-être laisser de côté le problème de l'architecture. Bien sûr, oui. Mais il y a trois éléments que tu as parfaitement définis et qui me semblent qui sont fondamentaux pour moi. Donc c'est d'abord la place de la mémoire. Un de mes textes, intitulé « Mémoire obstinée », l'expression « mémoire obstinée », je l'ai souvent utilisée, je l'ai même utilisée dans la quatrième de couverture, ça se termine par « La mémoire obstinée de l'enfant juif marocain ». La longue mémoire, virgule, obstinée, virgule, voilà. De l'enfant juif marocain. Donc, une grande partie de ce que j'ai écrit, j'ai pas beaucoup écrit, mais une bonne partie de ce que j'ai écrit repose sur cette utilisation de la mémoire, sur le fait que effectivement cette mémoire de l'enfance juive marocaine a joué un rôle fondamental dans ma vie et dans ma formation. J'aime citer souvent la phrase de Derrida qui dit « Une généalogie judéo-franco-maghrébine n'explique pas tout, mais peut-on expliquer quelque chose sans elle ?» Et c'est vraiment ça. Elle n'explique pas tout, mais il faut quand même toujours partir de là. Donc il y a cette mémoire. Il y a la deuxième chose qui est que le rapport que, du fait de cette généalogie judéo-franco-maghrébine, le rapport que j'ai pu avoir avec le langage et surtout avec les livres, a fait que je me suis trouvé devant un problème au moment où j'ai commencé à écrire. C'est une espèce, j'avais une sacralisation du livre liée à l'enfance, liée au fait que le livre est quelque chose de sacré, que j'ai appris à lire, l'hébreu avant d'apprendre à lire le français, dans un livre de prière, le livre de prière de mon père. Et donc, ce lien entre le livre et le sacré était fondamental pour moi, était quelque chose qui est resté très très longtemps. Et qui, évidemment, au moment où on a la prétention soi-même de faire des livres, devient une cause de grande peur, de grande frayeur. Comment écrire, comment oser prétendre écrire des livres quand on a dans sa tête le modèle des livres de prière, le modèle des livres grâce auxquels on assure éventuellement son entrée dans sa survie ou son entrée au paradis. Donc il y a ce rapport au livre qui est devenu un rapport difficile. Et il y a le rapport au reste. Qui est aussi très important pour moi, dans la mesure où l'impossibilité d'écrire des livres, mais le besoin absolu d'écrire quand même, ne serait-ce que pour évacuer la mémoire, fait qu'il y a accumulation de fragments, accumulation de textes, de morceaux de textes, et voilà, donc il y a la mémoire, rapport complexé, si j'ose dire, au livre, et abondance des restes. Comment se tirer de ce mauvais pas quand on a malgré tout le besoin absolu d'écrire. Et d'écrire des livres, parce que malgré tout, je vivais dans un milieu où écrire des livres était la norme absolue, que ce soit dans le cadre universitaire ou dans le cadre olympien. On est là pour écrire des livres. Et je me vivais malgré tout comme écrivain avec tout ça. J'ai toujours vécu comme quelqu'un qui devait écrire. Donc voilà, je me suis trouvé devant cette aporie, et la solution que j'ai trouvée, un peu grâce à Oulipo, c'est précisément de reculer d'un cran, les choses, et donc de ne pas écrire les livres que je voulais écrire, mais d'écrire les livres qui racontent pourquoi je n'ai les difficultés que je rencontre à écrire des livres. Et ma foi, une fois que j'ai trouvé ce biais, les choses sont devenues beaucoup plus simples pour moi. J'ai pu effectivement écrire pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres. Donc faire de l'impossibilité d'écrire le thème de mon écriture, parce que je n'ai pas inventé la chose d'ailleurs, elle est assez courante. J'ai écrit ensuite, un peu pour contrebalancer à la difficulté, le livre qui était consacré à la difficulté d'écrire, j'ai écrit le livre qui était consacré à la difficulté de lire. Jette ce livre avant qu'il soit trop tard. Qui essayait de faire le tour, un peu comme pourquoi je l'ai écrit, donc de faire le tour des difficultés que l'on peut rencontrer à la lecture d'un livre, avec en plus l'obligation que je m'étais donnée que le livre qui parle de cette impossibilité de lire soit en fait celui que le lecteur est en train de lire. Hein, le livre dont parle le livre est en fait le livre que le lecteur est en train de lire. Voilà, ça c'est un peu à la suite de « Si par une nuit d'hiver un voyageur hein, », c'est l'influence de Calvino qui m'a amené à avoir cette idée. Et je suis heureux que Paul, qui était mon éditeur à ce moment-là, ait publié le livre. J'ai continué comme ça à faire les livres que je n'avais pas réussi à faire en racontant pourquoi je n'ai pas réussi à les faire. Donc, je n'ai pas fait l'épopée familiale et je n'ai pas fait le roman voilà. Bildungsroman. Le roman d'amour. Le roman de formation qui est écrire sur Tamara. J'ai donc raconté pourquoi je n'ai pas écrit le livre sur mon premier amour, enfin sur le premier amour de mon héros, qui n'est pas tout à fait, qui le livre n'est pas totalement autobiographique, il est très partiellement autobiographique. La situation est pardon très marcellement autobiographique. Il raconte cette histoire que je n'ai pas pu raconter au premier degré, je la raconte au second degré. Ce qui, évidemment, me correspond beaucoup mieux, ça me permet d'abord de me donner des contraintes, je me donne des contraintes de structure, là, une des contraintes était le chiffre 3, Bon, enfin, on n'entre pas trop dans le détail. Un petit peu, quand même. Oui. Si, justement. Non, il y a par exemple, il y a trois langues, le français, l'arabe, l'hébreu. Trois personnages. Il y a trois personnages, bien entendu. Il y a trois lieux. Enfin, bon, Je me souviens plus très bien maintenant. Ça serait pas un petit peu chrétien cette histoire hein. De trois qui font un. Mmh. Tu n'y avais pas pensé. Tout arrive. Comme quoi, tu vois, on est influencé. On a beau ne pas en être. On est influencé.